Le journal d'Internet sud-coréen Jaju Sibon a inséré le 2 juillet le commentaire de Sun Se-yong, membre de la rédaction du journal d'Internet des Coréens aux États-Unis, Minjok Tongsin. Le commentaire a écrit: dans l'actuelle situation, le projet du Nord sur la conférence pan-nationale pour la réunification est bien opportun. Le pouvoir pakonais ne doit plus prétexter la vraie intention, mais il doit participer à la conférence.